Quand je dis que l'esprit des planètes, c'est de l'esprit astral, je veux dire que, ou j'annonce que, les planètes dans l'univers ne sont pas encore transmutées. Il viendra un jour où les planètes seront transmutées comme l'homme aura été transmuté. Et un jour, la planète Terre sera transmutée. Et lorsque les planètes seront transmutées, les planètes n'auront plus la fonction qui leur avait été auparavant attribuée. Je vous donne un exemple. Je sais pas pourquoi est-ce que Franck là-dedans, en tout cas, je verrai. On verra. Prenons la Terre et la Lune. La Terre existe pour l'évolution de l'homme. Mais la Lune existe pour empêcher l'homme d'être cosmique. Autrement dit, la fonction de la Lune, c'est de maintenir l'homme dans un état d'évolution inférieur à la vibration du Soleil, c'est-à-dire inférieur à l'énergie de l'intelligent, c'est-à-dire inférieur à la nature même de la lumière de la Terre. De sorte que la Lune affecte l'humanité, comme elle affecte la planète, elle affecte l'homme, sur le plan matériel et sur le plan émotif. Mais lorsque l'homme rentre dans la conscience universelle, la Lune ne peut plus l'affecter sur le plan émotif, mais elle peut encore l'affecter sur le plan matériel. Les femmes en sont un exemple. Le cycle de menstruation. Alors, un jour viendra où la Lune ne pourra même pas affecter la femme sur le plan matériel. Et lorsque la Lune ne pourra plus affecter l'homme sur le plan matériel, l'homme sera sous les lois ou à l'intérieur des lois de la lumière de la Terre. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la Lune commencera à perdre de sa raison d'être dans le système solaire et qu'il y aura sur le plan matériel des mouvements d'énergie qui créeront dans notre système solaire des cataclysmes, et ainsi de suite. L'homme doit aiguiser la nature de son intelligence. L'homme doit aiguiser son regard. L'homme doit apprendre à comprendre les événements de la planète, les événements mondiaux, si vous voulez, ou les événements de grande envergure de la planète, pour réaliser ce qui se passe au niveau de la conscience planétaire. Parce qu'un jour, l'homme sera obligé de vivre le grand trouble dans la conscience planétaire, et à ce moment-là, lui, en tant qu'individu, devra être totalement au-dessus du trouble ou des troubles de la conscience planétaire. Je comprends pas encore pourquoi est-ce que je parle de ça. Comprenez ça? Ouais? Ça vous dit quelque chose? Je vais vous dire pourquoi ça vous dit quelque chose. Parce que vous êtes capable de penser à quelque chose. Puis moi, je suis pas capable de penser à rien. Puis tant que j'arrive pas à la fin de ce que j'ai dit, je comprends pas ce que j'ai dit. Tu sais, faut que je développe. Sans ça, faut que j'arrive à la fin. En attendant, c'est... Ouais. Ça prend un certain temps, des fois, avant que je rentre dans ma vibration, parce que c'est comme si... je défile du fil, puis je défile du fil, puis je défile du fil, mais faut que j'arrive au bout du fil. Faut que je comprenne pourquoi je dis, faut que je le sente, ce que je le dis, si je le sens pas, mais. Pour moi, c'est plat. La conscience de la planète. La vie sur la Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, à un certain moment, sera anéantie. Mais quand elle va être anéantie, la vie, cette vie-là, ça ne veut pas dire que la vie sur Terre sera anéantie. Et pour que la vie sur Terre soit anéantie, il faut qu'il y ait des promesses faites à la Lune. C'est-à-dire qu'il faut que les êtres, l'esprit de la Lune, soit promis quelque chose, soit donné quelque chose, parce que la Lune se nourrit de la Terre. Et ce qui va être promis à la Lune ou donné à la Lune, là je ne parle pas sur le plan matériel, mais je parle ces autres plans, ce qui va être donné à la Lune pour permettre que certains changements soient réalisés sur la planète ou à l'intérieur de la planète. C'est qu'un certain nombre d'êtres humains sur la Terre doivent être sacrifiés. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'êtres humains dans le monde entier qui doivent être sacrifiés. Et quand je dis sacrifiés, je veux dire retourner à l'astral. C'est pour ça que c'est impossible. Il y a des gens qui me demandent des fois comment. Écoutez bien ça, là, je commence à rentrer dans la vibration. Des fois, les gens ils vont dire, mais comment ça se fait que, pourquoi c'était au Québec, pourquoi ça n'aurait pas été quelque part autre, pourquoi est-ce que ça ne serait pas tout le monde qui aurait un break? Tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il dit ça? Beauchamp, Deschamps. Tu sais, je veux dire. Puis il y a de l'intelligence dans cette question-là, tu sais. Mais c'est impossible. Tous les êtres de la planète Terre ne peuvent pas passer dans un temps à la lumière de l'éther, parce que la Lune a besoin encore de se nourrir. Et les êtres de la Lune, les intelligences de la Lune ont extraordinairement donné à l'homme. La Lune a donné beaucoup à l'homme. Si c'était pas de la Lune, l'homme ne serait pas sur la Terre. Alors, la Lune a donné beaucoup à l'homme, et s'il est décidé dans les gouvernements que la Terre doit passer d'un stage d'évolution à un autre, la Lune ne peut pas être saquée. Tout de suite. Alors, il faut qu'il y ait un certain nombre d'êtres humains sur la Terre qui soient sacrifiés astralement à la Lune pour que la Lune continue à se nourrir pendant un certain nombre de siècles. Parce que la Lune, sur la Lune, dans la Lune, il y a des êtres qui doivent continuer à évoluer. Tu veux dire? Et ça m'amène à dire ceci. Ça m'amène à dire que l'homme comprendra, lorsque l'homme comprendra le mystère de la vie ou le mystère, puis ça, ce mot-là. Lorsque l'homme comprendra comment ça se passe, les lois, c'est ça. Quand l'homme sera libre d'aller dans l'invisible, d'être, quand l'homme aura accès à l'invisible, quand l'homme aura accès, je vais même pas employer le mot réel parce qu'il commence à me tomber ses nerfs. Quand l'homme sera intelligent, mais on dirait que c'est pas assez, ça encore. Quand l'homme sera tout, mais ça encore c'est pas assez. Quand l'homme sera divinisé, ça c'est fatigant. Quand l'homme sera complet, c'est pas encore assez. Quand l'homme sera parfait, c'est pas encore assez. Quand l'homme sera surhomme, quand l'homme sera surhomme, il aura la capacité, à ce moment-là, de faire les changements nécessaires, lui, au niveau de la Lune, ensuite, après. C'est l'homme en tant que surhomme qui détruira la Lune. La Lune sera détruite par l'homme. Alors, la destruction de la Lune par l'homme, ça peut être fait à bien des niveaux, ça peut être, parce que dans toute la structure des mondes, ou dans toute la structure du réel, dans toute la structure, qu'on connaît pas, nous autres, parce qu'on connaît que le matériel. Mais dans toute la structure, l'homme peut facilement un jour bombarder la Lune avec des rayons ou des instruments de destruction pour l'éliminer complètement. On est où visé? L'homme devra un jour détruire la Lune. Mais il ne pourra pas détruire la Lune tant qu'il ne sera pas surhomme. Parce que c'est seulement quand il sera surhomme qu'il comprendra tout. Et quand il comprendra tout, mais il pourra faire ce qu'il devra faire. Il pourra faire ce qu'il devra faire. Et ce qu'il devra faire coïncidera avec la destruction de la Lune. L'homme devra un jour détruire la Lune. Je comprends pas encore pourquoi est-ce que je dis ça. Mais ça c'est la condition. Pourquoi? Oui. Je peux pas répondre. Faut que je continue. J'essaie de comprendre quelque chose. On va arriver quelque part. Ils disent que là, on commence à être suffisamment intelligent, c'est-à-dire suffisamment ouvert à l'intelligence, c'est-à-dire suffisamment capable de pas s'occuper de ce qui est dit, pour qu'il puisse commencer à nous révéler les mystères. Comprenez-vous, vous avez? Parce que pour comprendre les mystères, il ne faut pas être attaché. Faut pas essayer de comprendre. Ouais. Ouais. Faut pas être attaché à la forme, faut pas se cramponner à rien. Puis quand on se cramponne pas à rien, là, à ce moment-là, là, moi, je peux commencer à parler, puis là, je peux commencer à développer les mystères. Alors, le mystère numéro un que l'homme comprendra, que l'homme doit comprendre aujourd'hui, mais qu'il réalisera demain, c'est ceci. C'est que dans tous les hommes, il existe sept frères. C'est-à-dire que dans tous les hommes, il y a sept parties. C'est-à-dire que dans tous les hommes, il y a sept parties qui font partie d'un tout. Et les hommes, quand ils sont inconscients, ne connaissent pas les sept parties, ils en connaissent simplement une, qui est simplement une condensation des autres. Ça, c'est l'homme matériel inconscient. Autrement dit, l'homme ne connaît pas ses frères. Mais au fur et à mesure que l'homme avance dans l'évolution, l'homme en arrive à comprendre, à connaître ses frères. Et le premier frère que l'homme connaît, c'est le frère que je peux appeler son indice mental. Son indice mental, c'est cette partie de lui-même qui sait un petit peu. Quand l'homme commence à savoir un petit peu, quand l'homme commence à savoir qui sait un petit peu, voyez-vous, quand on commence à sentir qu'on sait un petit peu, bon, mais ça, on commence à connaître un frère. C'est-à-dire qu'on commence à connaître un aspect de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on commence à connaître un aspect de nous-mêmes qui est caché à nos sens. Parce que ce frère-là, cette partie-là de nous-mêmes, n'est pas conditionnée par l'âme. Et ce frère-là déteste l'âme. Cette partie-là de nous-mêmes déteste l'âme. Et cette partie-là de nous-mêmes déteste l'âme parce que cette partie-là de nous-mêmes, elle est construite. Elle a été construite. Non pas par l'âme, mais elle a été construite par des intelligences extraterrestres dans d'autres mondes qui nous sont invisibles. Autrement dit, l'homme a une partie en lui qui fait partie d'une création extraterrestre. Une partie en lui qui est extrêmement subtile, extrêmement complexe et qui ne fait pas partie de sa personne humaine, mais qui fait partie d'un cerveau électronique, ça c'est un terme humain, mais d'un cerveau électronique dans une autre galaxie. Autrement dit, chaque homme a une partie dans une galaxie quelque part qui fait partie d'un cerveau d'intelligence. Comprenez-vous ce que je dis? Ça, c'est un frère. Et c'est cette partie-là de l'homme qui fait qu'à un certain moment de l'évolution, l'homme commence à entrer en contact avec. Il commence à sentir le rayonnement. Ça, c'est le premier frère de l'homme. Autrement dit, tous les êtres, j'ai dit que l'homme sur la Terre fait partie d'une conscience expérimentale. On a été plugué. L'homme sur la Terre n'est pas l'homme. L'homme sur la Terre est la partie qui deviendra demain surhomme. Alors, tant que l'homme n'est pas surhomme, il est plugué de cette partie-là. Il y a une connexion entre cette partie-là qui est son frère dans son être à lui par le biais de ses corps, et ainsi de suite. Et avec l'initiation solaire qui est établie présentement, il est donné à l'homme le pouvoir de commencer à sentir l'intelligence en lui, et l'intelligence qu'il sent en lui est vraiment lui, mais là-bas, mais pas ici. De sorte que votre intelligence, elle n'est pas sur la Terre, elle est dans une autre partie de la galaxie. Comment vous dites? Ça, c'est le premier frère de l'homme. Le deuxième frère de l'homme est celui-ci. Le deuxième frère de l'homme, c'est cette partie de l'homme qui est encore aussi en lui et qui permet à l'homme, dans certains moments de vie, de sentir qu'il est infini. Tu sais, il y a des moments qu'on sent qu'on est... Bon, cette partie-là de l'homme, c'est le frère de l'homme. C'est la partie de l'homme qui est encore aussi dans la galaxie, mais qui a été connectée à lui. Et cette partie de l'homme qui a toujours fasciné l'homme, qui a donné à l'homme le pouvoir de faire des grandes découvertes en poésie, tu sais, quand on a nos grands élans de cœur, là. Bon. Alors, cette partie de l'homme qui est dans une autre galaxie, elle fait partie des intelligences qui ont voulu instituer sur la Terre une race parfaite. Alors, c'est comme s'il y a un rapport entre ces intelligences-là et l'homme. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme est un être qui a le pouvoir d'être parfait. Et il a le pouvoir d'être parfait parce qu'il est dans cette vibration-là. Cette connexion qu'aujourd'hui il ne connaît pas, mais qu'un jour, quand il sera surhomme, il connaîtra parce qu'il pourra voyager là-bas. Et lorsque l'homme pourra retourner là-bas, dans cette énergie, c'est là que l'homme comprendra pourquoi ou tout le tralala de l'évolution. Mais il le comprendra d'une façon scientifique et non d'une façon spirituelle. Et lorsque l'homme comprendra d'une façon scientifique comment l'homme est venu sur la Terre, à ce moment-là, il sera l'homme, lumière. Et comme il sera lumière, il ne souffrira pas de comprendre la scientification de sa programmation biologique. Parce qu'à ce moment-là, il ne souffrira plus de ses émotions. Parce qu'à ce moment-là, il ne souffrira plus de ses pensées. Parce qu'à ce moment-là, il ne pourra plus avoir d'émotions et de pensées. Parce que les émotions et les pensées dans l'homme font partie de la programmation. Si l'homme n'avait pas d'émotions et l'homme n'avait pas de pensées, l'homme serait surhomme. Mais l'homme devait avoir des émotions et des pensées pour que le surhomme soit plus parfait dans la condition matérielle de ses corps. Alors, l'émotion humaine et la pensée subjective humaine, ça fait partie de la programmation, ça fait partie de la scientifisation de l'homme. C'était pas nécessaire que l'homme développe des émotions ou une capacité de penser. Ça faisait partie des plans scientifiques de l'évolution de l'homme. Mais, l'homme a jamais compris une chose, c'est que l'homme, il n'est pas sur la Terre. L'homme y pense qu'il est sur la Terre. L'homme n'est pas sur la Terre. L'homme est quelque part dans la galaxie et il est connecté vibratoirement à une énergie qui est sur la Terre. L'homme sur la Terre est simplement un modèle composé de certaines L'homme sur la Terre est le modèle composé de certaines quoi? De certaines parties qui sont extrêmement intelligentes, qui sont extrêmement parfaites, qui sont extrêmement quoi? Scientifiques. Alors, nous autres, ici, on n'est pas nous autres. On pense qu'on est nous autres. Puis ça fait partie de la condition humaine. C'est ça que j'appelle la conscience expérimentale de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme souffre. Et il souffre parce qu'il est ignorant. Alors, naturellement, pour que toutes ces parties-là viennent ensemble, il a fallu qu'ils soient comme noyautés. C'est l'âme. Mais là, si l'homme commence à détruire l'âme parce qu'une autre vibration descend sur la Terre, qu'est-ce qui se produit? L'homme se désintègre. Il y a une séparation. L'homme retourne à la lumière. Le surhomme naît. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça que c'est si important la destruction de l'âme. Tant que l'homme ne pourra pas détruire son âme, il sera noyauté par toutes ces parties-là qui sont connectées ensemble et qui lui donnent la possibilité d'être ce qu'il est. Mais c'est pas l'homme. Le but de l'évolution, c'était pas de nous créer nous autres comme on est. Le but de l'évolution, c'était de réparer dans le cosmos des êtres Des êtres. Le but, c'était de réparer dans le cosmos des êtres parfaits. Alors, il existe dans le cosmos des êtres parfaits, mais ils devaient être réparés. Et quand je dis qu'ils devaient être réparés, je veux dire qu'ils devaient être quoi? Repasser par une autre expérience. Recycler. Alors, l'homme est devenu l'alibi, la condition, l'expérience qui a permis de recycler ces êtres parfaits-là. Autrement dit, nous autres, les hommes, on est simplement des modèles d'expérimentation pour recycler des êtres qui sont parfaits, mais qui devaient être réparés. Nous sommes issus. L'issue, je l'aime pas, il y en a un autre. Non. Je peux pas le faire tout seul, ce que je fais, là. Fait que j'ai besoin de l'aide. Nous sommes une prolongation, une extension de ces êtres-là. Nous sommes des extensions de ces êtres-là. Et ici, il s'est passé quelque chose pendant des siècles et des siècles et des siècles, des millénaires et des millénaires. Et quand c'est fait, ça, ces êtres-là sont réparés. L'homme n'est plus nécessaire. Et quand l'homme n'est plus nécessaire sur une planète, automatiquement, qu'est-ce qui se produit? Il est ajusté. Il revient à son frère. Il redevient surhomme. L'homme redevient surhomme. Autrement dit, l'homme redevient dans le monde de la lumière. Il redevient lumière. Et dans ce passage-là, bon, on dit que l'homme ici devient surhomme. Mais c'est subtil, les mots. Parce que l'homme, il devient pas surhomme. L'homme revient ce qu'il était. Et ça n'a jamais été expliqué à l'homme qu'il était déjà avant qu'il fût. L'homme a toujours pensé qu'il est devenu quelque part dans le temps qu'il a été créé. L'homme n'a jamais été créé. L'homme était déjà avant qu'il fût Et c'est le fait qu'il fut avant qu'il fût qui a permis, dans sa perfection, pour l'exécution de certaines réparations dans des systèmes, que l'homme sur la terre prenne ou remplisse la fonction de réparation. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'homme a toujours été. Et l'homme... Attends un peu, il y a une vibration. Quand je dis que l'homme a toujours été, je veux dire que les frères ont toujours été. Et que les frères... Que les frères... Ah. Ouais, mais c'est parce que j'essaie de rentrer d'autres choses puis me rendre pas la vie facile. Le point que je veux faire, c'est que l'homme a toujours été. Et quand je dis que l'homme a toujours été, pour que l'homme réalise qu'il a toujours été, il est obligé de détruire la conscience expérimentale. Parce que c'est la condition expérimentale qui a servi de table, de toile de fond, de temporanéité, pour fixer dans une expérience quelconque, pour le bénéfice de l'homme, tout le travail de réparation de ces êtres-là. Comment est-ce que vous dites? Et une fois que le travail de réparation est fini, que ces êtres-là sont réparés, l'homme sur la terre, la conscience expérimentale doit être déchirée sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La connexion se refait. Alors, à ce moment-là, pour refaire la connexion, il y a un être qui vient de ces plans-là, de ces mondes-là, sur la terre pour détruire la conscience expérimentale. Et moi, je suis un de ces êtres-là qu'on appelle les Melchizedek. C'est ça. Comprenez-vous, je veux dire? C'est important, ça. De comprendre que déjà on était avant que nous fûmes et nous sommes devenus simplement parce que nous étions dans la conscience expérimentale. Et si nous avions été en dehors de la conscience expérimentale, nous aurions réalisé que déjà nous étions avant ça. Et nous devons retourner. Et les hommes doivent retourner. OK? Ces êtres-là avaient besoin d'être réparés parce qu'ils étaient arrivés à un niveau de perfectionnement tellement grand qu'ils ne pouvaient plus substituer leur perfection pour une autre. C'est une erreur de construction. Quand un système est devenu trop parfait, il meurt et il doit être réparé. Puis regardez dans les vibrations du mot parfait, vous allez comprendre ce que je veux dire, que quelque chose qui est parfait est déjà imparfait. Comprenez-vous, vous dites? Parce qu'il est parfait. Et là où il y a perfection, il y a arrêt. Là où il y a arrêt, il ne peut plus y avoir d'évolution. Et c'est pour ça que je dis que l'homme de demain, le surhomme, sera le pont entre les lumières et la matière. Parce que ce sera la continuité de la perfection qui devait être réparée. Comprenez-vous, vous dites? Laissez-moi continuer ce matraque. Parce que je ne veux plus revenir sur ça après. Oh, je ne pourrais pas revenir sur ça. Fait que je veux épuiser petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Le troisième frère de l'homme est totalement impuissant. Le troisième frère de l'homme est totalement impuissant, c'est-à-dire que le troisième frère de l'homme est tellement parfait qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aider à l'évolution. Et comme il ne peut pas aider à l'évolution, il est constamment mis en question. C'est-à-dire que il y a la possibilité qu'il soit réparé, ou il y a la possibilité qu'il soit maintenu dans son état. Et ce troisième frère de l'homme, qui est parfait, mais qui est arrêté, qui ne peut plus fonctionner, c'est quoi? Non. T'es proche. Mais c'est pas ça. Bah. C'est l'intelligence de Lucifer. L'intelligence de Lucifer est tellement parfaite, qu'elle ne peut plus aller plus loin. Elle est gelée. Lucifer, c'est le troisième frère de l'homme. Et cette intelligence luciférienne peut être soit réparée ou maintenue dans son statu quo. Mais la décision n'a pas été prise encore pour que cette intelligence soit réparée, et c'est pourquoi il n'est pas su dans les hauts tribunaux de la galaxie ce qui va se passer avec Lucifer. Ils ne savent pas, personne ne le sait, les décisions n'ont pas été prises, et tant que les décisions ne seront pas prises, l'homme ne connaîtra pas quoi? Son imperfection. L'homme ne connaîtra pas et ne comprendra pas son imperfection. Et ne la comprenant pas, son imperfection, il ne pourra pas réaliser sa perfection. Alors, l'homme ne pourra pas réaliser sa perfection tant que ce temps-là sera pas venu. C'est pour ça que même lorsque l'homme sera rendu dans la lumière de la Terre, il ne connaîtra pas, il ne comprendra pas sa perfection. Parce que pour qu'il comprenne sa perfection, il doit comprendre parfaitement son imperfection. Et son imperfection est tellement vaste, parce qu'elle est dominée par la nature même de l'intelligence luciférienne, mais à un niveau qui est tellement bas, que la relation entre l'intelligence parfaite Lucifer et l'homme, c'est quasiment une relation qui est infinie. C'en est une relation qui est infinie. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas la connaître, cette imperfection-là. Mais il peut la réaliser. Il peut la réaliser par son retour au deuxième frère. Autrement dit, au surhomme. Alors, et la seule chose que l'homme peut saisir de son imperfection, autrement dit, de la programmation de sa conscience expérimentale, qui est la somme totale de son imperfection, la seule chose que l'homme peut réaliser de tout ça, c'est de savoir que dans son état neuf, dans son état nouveau, où il n'est pas émotif, où il n'est pas mental, il n'est pas affecté par ça. Autrement dit, quand l'homme est conscient, quand l'homme n'est plus affecté par ses émotions et ses pensées subjectives, il vit un état. Et c'est seulement le pouvoir de vivre cet état qui lui permet, par retranchement seulement, de connaître l'imperfection antérieure. Mais comme il n'a pas de mémoire, il ne peut pas comprendre son imperfection présente. Alors, c'est l'absence de la mémoire dans l'homme qui lui permet de réaliser, qui lui empêche de réaliser son imperfection. Et automatiquement, ça le retranche de l'imperfection totale au niveau de la compréhension des lois de la descente de l'énergie vers les plans inférieurs. De la construction, autrement dit, de la conscience expérimentale. Alors, le premier, le deuxième et le troisième frère de l'homme sont des frères extrêmement importants. Et quand je dis qu'un homme a des frères, je veux dire ceci, que toute unité biologique, à composante émotive ou mentale, autrement dit, toute unité qui peut manifester de l'intelligence, a un frère. Alors, tous les hommes ont un frère, quelque part dans la galaxie, et l'homme, un jour, retournera à ce frère-là. Mais lorsqu'il retournera à ce frère-là, il retournera avec la lumière qui est venue ici, et la lumière retournera là-bas. Mais le corps matériel sera plus important. Mais la conscience demeure là, et le pouvoir de la conscience demeure là, de sorte que si l'homme veut revenir ou maintenir ou demeurer ici, il maintiendra son corps matériel. Mais lorsqu'il a fini son corps matériel, il retournera simplement dans la lumière. Il retournera là-bas. Si vous avez une flashlight, ça marche pas de même une flashlight, mais c'est bon que. Si vous avez une flashlight, vous pesez sur le piton, là, puis la lumière de la flashlight, au lieu de faire un jet direct comme ça, elle part d'ici, puis elle s'en va là. Mais il y a un lien entre la lumière ici, puis la flashlight. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? C'est comme si la lumière, au lieu d'être diffuse, serait totalement solide. Elle s'en viendra ici. Puis là, elle sera attachée. Elle n'est pas loin. Regardez le corps astral. Ceux qui savent comment ça fonctionne, le corps astral, quand tu sors en astral, ton corps se promène, puis t'as un cordon qui te rattache quelque part ici. Mais c'est la même chose. L'homme fonctionne exactement comme un corps astral. L'homme fonctionne exactement comme un corps astral. Il est parti de là, puis il s'en vient ici. Puis il fonctionne selon les lois établies, pendant des siècles et des siècles, des millénaires, tout se passe, conscience expérimentale, et éventuellement, l'homme devient conscient, puis quand c'est fini, cette conscience expérimentale-là, l'être là-bas est réparé, et l'homme retourne. Et à ce moment-là, les principes qui ont servi à l'homme, à la conscience expérimentale, ne servent plus. C'est pour ça que la conscience astrale n'est plus nécessaire. C'est pour ça que l'homme n'est plus nécessaire. L'âme, elle a été créée simplement pour permettre que le frère puisse créer des conditions ici pour qu'avec le temps, il devienne réparé. C'est ça. Facile. Demandez-moi pas trop de questions. Attendez que j'en parle parce que ils me répondront pas. Moi ici, je fonctionne. Moi, je suis au bout d'un rayon. Comprends-tu, hein? Moi, je suis au bout d'un rayon, puis ça passe, puis là, je gueule. Mais c'est toujours le rayon qui contrôle ce que je dis. T'sais? Bon. Mais le point que je veux faire, j'ai besoin du feu. Le point que je veux faire, c'est que l'homme doit comprendre qu'il est une extension dans le temps et de l'espace d'un frère qui devait être réparé. Et l'homme a servi simplement au coup, quand je parle d'homme, je parle tout de l'humanité, et ainsi de suite, et chaque individu. L'homme doit réaliser que maintenant que la réparation est faite, l'homme doit retourner. La job est finie. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps, arrêtez donc de vous prendre au sérieux. Votre vie, c'est pas de vos affaires. Parce qu'effectivement, notre vie, c'est pas de nos affaires. On remplit ici une job. Mais on n'a jamais su qu'on remplissait une job ici parce que personne ne l'avait dit. L'homme n'a jamais compris le mystère de sa présence sur le globe terrestre. Alors, l'homme n'a jamais réalisé qu'il remplissait sur le globe terrestre une job. Et si l'homme avait réalisé qu'il remplissait sur le globe terrestre une job, il aurait vécu très bien sur la Terre. Il aurait été très heureux. Mais comme il n'a pas réalisé qu'il remplissait sur la Terre une job, il s'en est donné une, lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'existence. Et c'est plus au sérieux. Parlez-vous dans votre tête sur ce que je vous ai dit en dernier après-midi. C'est très important, puis ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Et c'est temps que l'homme sache ça. C'est temps que l'homme sache ça. Mais l'homme de la terre aujourd'hui n'est pas ce qu'il pense qu'il est. C'est pourquoi lorsque l'homme de la terre fait l'expérience du frère, il saute. Ouais. Parce que ça arrive qu'il y ait des communications entre l'homme ici et le frère. Et le frère, c'est toujours cette partie de vous, de votre expérience, que vous connaissez dans le rêve quand vous voyez en action, mais vous ne voyez pas. Ça, c'est le frère. Et cette partie-là n'est pas dans l'astral. Mais elle regarde dans l'astral. Et ce qu'elle voit dans l'astral, c'est l'activité émotive et astrale de l'homme. C'est pour ça que vos rêves sont toujours bons. Même s'ils sont difficiles, s'ils sont ci ou s'ils sont ça, vos rêves sont toujours bons parce que vos rêves sont toujours des aspects de votre conscience sur un autre plan qui convient à la programmation de l'homme. Mais l'homme est tellement loin de la compréhension des lois de l'intelligence et de la science que les rêves pour lui sont simplement des images. Lorsqu'en réalité, le rêve, l'expérience du rêve est un bombardement sur la conscience de l'homme de l'énergie qui vient du frère. Vous connaissez ça, une télévision? L'image d'une télévision, c'est le produit d'un bombardement électronique. Bon, mais quand vous rêvez, c'est le bombardement sur votre écran, sur votre corps astral, de l'énergie du frère qui est dans la galaxie quelque part. Et de temps en autre, le frère, pour vous faire réaliser que vous êtes plus que ce que vous pensez, va imprimer sur votre écran astral l'image des êtres qui évoluent dans ces mondes-là qu'on appelle des extraterrestres. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des extraterrestres, vous allez les voir venir, vous allez voir l'évolution aussi, ça. Oui, vous approchez un petit peu. Et le fait que je vous explique que vos rêves sont le résultat du bombardement du frère sur votre écran astral va altérer en vous votre conscience de rêve. Pour vous amener petit à petit à être plus conscient dans le rêve. Pour en arriver à pouvoir subir de plus forts bombardements. Pour qu'un jour, la toile du rêve soit déchirée et que vous puissiez voir votre frère. Et quand vous verrez votre frère, vous verrez votre origine, vous verrez qui vous êtes, vous saurez qui vous êtes et vous saurez où vous allez. Et je le souhaite à tout le monde. Mais, pour comprendre, il faut être très humble dans l'intellect. Il faut être très humble dans l'intelligence pour comprendre. Il faut être capable d'absorber sur le plan matériel d'abord l'énergie qui passe par un homme qui est à la fois un frère et qui est à la fois un homme. Et c'est ça qui donne à cet homme le pouvoir de bombarder par la parole sur votre plan mental certaines énergies qui vous amènent petit à petit à la conscience. Alors, c'est pourquoi l'homme ou le frère dans l'homme est beaucoup plus intelligent que vous pouvez vous imaginer. Non pas parce qu'il est intelligent, mais parce que c'est un frère qui est venu dans le corps matériel de l'homme.